Putain, quelle merde. Jean-Pierre. Oh. Jean-Pierre Nadeau. Oui. Je suis le dieu du caca. Quoi? Je suis le dieu du caca. Le dieu de la merde? Oui. Oh. Avec des noyaux de cerises et des élastiques. Comment est-ce possible? Cela est. Je vais t'expliquer comment faire pour faire caca sans souffrir. Oh, merci, dieu du caca. Il n'y a pas de mal. Oh. Ensuite, je te présenterai mon collègue, le dieu du pipi. Merci, dieu du caca. Je suis le dieu. Oh, bonjour, dieu du pipi. Bonjour. Pourras-tu m'aider toi aussi à faire pipi sans faire mal à la caquette? Oui. Oh, merci, dieu du pipi. À nous maintenant. Oui. Je vais t'écarter les fesses lentement. Oui. Attention. Oh, doucement, dieu du caca, je suis fragile de l'anus. Je compte jusqu'à 3 et j'y vais. Oh, oui. 1, 2, 3, on y va. Allez, pousse. Allez, pousse encore. Pousse. Eh ben dis donc, ça fait longtemps que t'avais pas fait le caca, Jean-Pierre Nadeau. Oh oui, dieu du caca. Bon, maintenant que mon travail est fini, je vais te passer le dieu du pipi. Bien, merci dieu du caca. Oh, ça va beaucoup mieux maintenant. Bon, attendez maintenant, je suis le dieu du pipi. Oh. Et je vais te tenir le zizi. Bien. Tiens, prends mon gros zizi, dieu du pipi. Tiens-le bien. Voilà, comme ça. Oui. Oui. Oh, elle est toute molle. Oh. Pas tout le temps. Mais pour faire pipi, il ne faut pas que le zizi soit durci. Mais il n'est pas dur, là, dieu du pipi. Je ne comprends pas. Tu bandes. Mais non, je ne bande pas. Mon dieu, mais si. Mais il me pisse dans la gueule, l'animal. Oh. C'est la femme nue en poster sur la porte des cabinets qui me fait bander ainsi. Ah, je comprends mieux ton problème. Il faut donc que tu déchires le poster. Oui. Pour que ne bande-je plus. Je vais le déchirer promptement. Oui, merci, dieu du pipi. Chric, chroc, chric, chric. Voilà qui est fait. Oh, merci, dieu du pipi. Bon. Je vois que tout est arrangé. Oui. Je vais repartir avec mon compagnon, le dieu du caca. Oh, peux-tu m'amener avec toi, dans le paradis du pipi et le parada du caca? Oui. Oui, nous allons t'emmener tous les deux avec toi, Jean-Pierre Nadeau. Oh, oui. Oh, la belle cacapsule spatiale. Oui. Prends place sur le siège des WC cosmiques. Oh, la belle chasse électronique. Oh, le papier. Oh, oh, le beau papier étincelant avec plein d'étoiles dessus. Moralité de cette histoire cosmique et chiante. Motus. Et bouche cousue. Pardon, je me suis gouré de moralité. C'était Lotus et bouche cousue. Comme le PQ.